deux. Je tiens ce qui m'est le plus cher, et je ne serai pas le plus misérable des hommes si je meurs, vous ayant près de moi. Sophocle, Œdipe à Colonne. Frileusement blotti au flanc sud de la montagne, entre un bois de chênes et une forêt de sapins, recouverte de lierre depuis sa base jusqu'aux fines colonnettes de son toit plat, Paradiso, la vieille maison héréditaire des Médans, ayant tout l'aspect d'un nid. Les larges allées de ses jardins montaient et descendaient autour d'elle, traversant les bosquets touffus, s'arrondissant en terrasses aux échappées sur la belle vallée vaudoise de X. Ses fenêtres, dont les vitres nettes, garnies de rideaux frais, scintillaient parmi les mouvantes et vertes draperies, attiraient, accueillantes, comme des regards amis. Un feu où brûlait une énorme bûche de Noël se reflétait dans la porte-fenêtre de la pièce du centre, la salle à manger, qui s'ouvrait sur un petit perron de pierre. Auprès de la table servie, M. Médan dépouillait le courrier du matin en attendant ses enfants. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, de taille moyenne, l'air bien plus jeune que son âge. D'épais cheveux blonds à peine blanchissants se retournaient en touffe sur un front large où les soucis, la maladie et la douleur avaient creusé leurs profonds sillons. Des yeux très vifs encore, d'un bleu sombre, semblaient brûler sous des arcades sourcilières avancées. Son visage, d'une douceur presque féminine, avait des teintes de rose passé, avivées aux pommettes. Il était vêtu avec soin d'un coin de feu beige. De sa main amaigrie, il caressait une longue moustache, plus rousse que ses cheveux, bien plantée au-dessus d'une bouche fine et d'un menton ferme, fraîchement rasé. Issu d'une vieille famille vaudoise ayant du bien, réfugié jadis en Suède pendant les persécutions religieuses, il tenait de ses différentes origines les contradictions et le charme de sa nature d'artiste, ardente, impressionnable et tendre. Il terminait ses études à Rome, lorsqu'il avait rencontré celle qui devait être l'unique amour de sa vie, sa femme, sa Béatrice, ainsi qu'il l'appelait, belle comme un rêve de poète, aimante et douce, mais d'une santé délicate, et qui avait succombé, jeune encore, aux épreuves de ses trop nombreuses maternités. Avec elle, par elle et pour elle, il avait vécu dans sa maison natale, dont elle avait fait un paradis au cœur d'un pays merveilleusement beau, n'ayant d'autre occupation que les soins à donner à son vaste domaine, l'étude de la musique, qu'il aimait passionnément, et l'éducation de ses enfants, dont il semblait être plutôt le frère aîné que le père. Jacques entra le premier, et le cœur battant, après avoir dit bonjour, attendit le regard de celui envers lequel il se sentait si coupable. Mais absorbé par sa lecture, M. Médan répondit distraitement, sans lever la tête. Nadine avait laissé sa mante et ses socques dans le vestibule. Toute blanche dans sa robe de laine claire, elle vint par derrière son père. Se penchant, il l'embrassa au front, comme elle faisait chaque matin pour faire envoler les soucis. « As-tu bien dormi, père? As-tu souffert cette nuit ?» Père ne remarqua pas l'anxiété inaccoutumée de cette phrase quotidienne, ni le léger tremblement de la voix. « Bien, merci, dit-il. Tu es fraîche comme l'aube. Tu sens l'air des bois, ma chérie. » Et repliant la lettre qu'il lisait, il tendit sa tasse à la jeune fille, qui y versa le thé fumant. « Le bonheur d'avoir mes enfants auprès de moi m'a véritablement ressuscité, au contraire. Je me sens léger et dispos. J'ai 20 ans ce matin. Quel bon Noël nous allons passer ensemble. Aussi bon que possible sans... Tiens, j'ai une lettre de Daniel. Une lettre excellente. Il regrette de ne pouvoir venir, mais ses malades le retiennent. Il réussit merveilleusement, ce petit. Ah, c'est cher un garçon !» Un homme énergique qui sait ce qu'il veut. Si tu marches aussi bien comme avocat que lui, comme un médecin, mon Jacques, je pourrais être fier de mes fils. Je n'aurais pas tout à fait perdu ma vie. Et je ne parle pas de mes filles. Comme votre mère serait heureuse, mes enfants, je veux être heureux pour elle et pour moi. Daniel vous envoie ses meilleurs baisers de Noël. Mais pourquoi les fillettes ne descendent-elles pas? Je ne vois pas leurs tasses. Elles étaient fatiguées du voyage, songe donc, 8 heures de chemin de fer et 7 montées depuis Borena, qu'elles ont voulu faire à pied. Alors on leur a servi leur déjeuner au lit. Elles doivent s'habiller et ne vont pas tarder à venir t'embrasser. Ah, comme tu les gâtes! Mais voyons, qu'as-tu? Maintenant que je te regarde, il me semble que tu es pâle. Et Jacques, vous avez tous deux très mauvaise mine. Vous me trompez? Il y a quelque chose. Luce, c'est Luce, n'est-ce pas? Pas le moins du monde, répondit Nadine de cette voix calme qui avait tant d'empire sur le malade. Luce se porte à merveille. Jacques et moi avons été au bois cueillir du hou pour ce soir, et le froid nous a saisis. Il fait une de ces gelées. La voilà qui dissimule, elle, si droite, pensait son frère. C'est pour m'épargner. Mais tout à l'heure, comment s'en tirera-t-elle? Pauvre père, quel écroulement! Je suis un bandit! La jeune fille étendait le beurre sur les tartines chaudes. Elle se disait avec angoisse, « Il est impossible que je parle à papa aujourd'hui. » Par exception, il est paisible et heureux. Comment avoir le cœur de le troubler? Quel changement dans ses traits tout à l'heure, lorsqu'il a remarqué notre pâleur! Comme on sent qu'à rien pourrait amener la crise fatale! Elle serait d'autant plus violente en ce moment qu'il est plus confiant et plus tranquille. « Qui aurons-nous à dîner ?» demanda Jacques, cherchant à rompre un silence pesant. « Mon ancien camarade Malprat, avec sa femme, cette bonne Francesca. Le pasteur Lebrun est malade, il ne viendra pas. Monsieur et Madame Porchano, nos aimables voisins des Cèdres. Madame Lelon, notre autre voisine, mais pas sa pimbèche de fille qui heureusement est absente. Je n'aime pas beaucoup cette femme, mais elle est veuve et isolée. Je n'ai pas le courage de la laisser seule un soir de Noël. » Enfin, l'indispensable et cher Calvetti, sans lequel je ne conçois pas un dîner à la maison. Tous, sauf Madame Lelon, de vieilles connaissances, tu vois. Si j'ai bien compté, cela fait 6, 11 avec nous 5. 11, la table ne sera pas jolie. Il manque une personne, répondit Jacques, pour dire quelque chose. Et puis l'élément vieille connaissance, quoique très appréciable, domine un peu trop. Il faudrait, il me semble, un peu de jeunesse. « Pourquoi n'as-tu pas invité Georges Melville? Il y a si longtemps que je ne l'ai vu. Je serais bien aise de le retrouver. »« C'est que... n'est-il plus ton médecin ?»« Non. »« Comment? Il n'est pas venu en consultation quand tu as été si malade ?» Nadine s'était levée brusquement. « Tu t'en vas ?» demanda le père. « Je vais voir les petites, » dit-elle sans se retourner. « Qu'y a-t-il ? » demanda Jacques très intrigué lorsqu'elle eut disparu. « Pourquoi ces réticences, ces airs mystérieux ?» à propos de cet ami d'enfance, de cet ami de toujours. Daniel s'est-il fâché avec lui? Ils étaient si liés autrefois. Ils ne pouvaient vivre l'un sans l'autre, au point que, quand ils faisaient leurs études ensemble à Rome, on les appelait les frères siamois. Il n'est pas possible qu'ils se soient brouillés. Après cela, Daniel, il est parfait, j'en conviens, mais raide parfois aussi. Pourtant, je ne peux le croire. Et puis enfin, que diable! Ce ne serait pas une raison suffisante. Il n'y a pas que Daniel ici. Du temps de maman, Georges venait journellement à la maison. Il faisait partie de la famille. Et maintenant, éclipse totale du monsieur. C'est extraordinaire. Il a été en Allemagne pendant près d'un an, puis il a perdu son père. C'est vrai, mais maintenant il est de retour, et son deuil touche à sa fin. Rien ne l'empêche plus de l'inviter. Tu vois bien, il y a quelque chose, quoi. Rien. Plutôt, il avait des idées. Figure-toi qu'il s'était épris de sa sœur et voulait l'épouser. Tu appelles cela des idées? Si quelque chose est naturel, logique même, c'est ça. Il semble fait l'un pour l'autre. Melville est un charmant garçon et sérieux, et plein d'avenir. Nadine ne pouvait trouver mieux, ni lui non plus. Elle n'a pas été assez folle pour refuser, j'espère. Je ne le lui pardonnerai pas. « C'est ce qui te trompe, mon cher. Elle l'a refusé bel et bien. »« Si charmant qu'il te semble, il ne lui plaisait pas, sans doute. »« J'ai laissé ta sœur entièrement libre, tu comprends. »« C'était il y a 2 ans, un peu avant Noël. »« Ton phénix finissait son internat. »« J'étais très souffrant, je me souviens le jour où j'ai reçu sa lettre. »« Et puis, naturellement, elle m'avait bouleversé. »« On a beau élever ses enfants pour eux, non pour soi. » On a beau se préparer au sacrifice, se répéter que sa fille est grande et qu'elle pourra vous être enlevée d'un moment à l'autre, le coup est rude tout de même. Que faut-il répondre? Ai-je demandé à ta sœur. Ceci a-t-elle dit aussitôt sans l'ombre d'une hésitation, ma fille est de beaucoup trop jeune pour se marier, et séance tenante, sous mes yeux, elle a écrit la lettre, car j'étais trop faible pour le faire moi-même. Peut-on rien trouver de plus net, de plus précis, et à la fois de plus délicat que cette simple phrase? Cet enfant a un esprit, un cœur. Cependant, Melville nous a gardé rancune. À son retour d'Allemagne, quand, après avoir soutenu sa thèse, il est venu prendre la clientèle de son père à Borena, il a négligé de venir nous voir. Il réussit fort bien, dit-on. Je le rencontre quelquefois en ville ou dans la montagne, quand il fait ses tournées. Nous nous saluons et c'est tout. Je ne lui en veux pas. Trop jeune, elle avait 20 ans. C'est l'âge au contraire, ou jamais, allait dire le jeune homme, mais il se tut. Brusquement, il se souvenait des vacances de Noël de cette année-là, si assombri par il ne savait quel malaise mystérieux. Son frère qui boudait visiblement et donnait de mauvais prétextes pour ne pas venir. Georges, subitement parti pour l'Allemagne, par raison de santé, disait-on. Monsieur Médan, joyeux comme un homme, qui vient d'échapper à un grand danger. Enfin et surtout Nadine, si différente d'elle-même, triste lorsqu'elle ne se croyait pas observée, d'une gaieté exagérée devant le monde. Et maintenant ce trouble, ce brusque départ à ce nom. Elle l'aime, pensait-il, elle s'est sacrifiée. Papa ne voit rien où, mais ce serait d'un égoïsme monstrueux. Le déjeuner était fini. Monsieur Médan, les pieds tournés vers le feu, lisait son journal. Jacques se leva et courut à la chambre de sa sœur. Il frappa, on ne répondit pas. Il tâcha d'ouvrir la porte, elle était fermée à clé. C'est cela, je ne me suis pas trompé. Ah, l'héroïque chérie, que faire mais que faire? Je donnerais ma vie pour elle, et la savoir ainsi malheureuse. Nadine, à genoux devant son lit défait, cachait sa tête dans le coussin pour étouffer les sanglots qui ne voulaient pas s'arrêter. Son cœur vaillant, où tant de tristesse s'accumulait en silence, éclatait enfin. Ce nom si cher prononcé à ce moment-là, c'était trop. Elle pleurait toutes les larmes que depuis si longtemps, sans cesse, elle refoulait au fond d'elle-même. Sa force faiblissait subitement. Tout lui échappait à la fois. Sa tâche lui semblait manquer, son sacrifice inutile. Pourquoi avait-elle fait taire son cœur et blessé à jamais cet ami, toujours chéri en secret? Pour donner à ce père malade le calme, la paix qu'il lui fallait à tout prix, pour rester auprès de lui et continuer l'œuvre inachevée, léguée par la chair morte. Or, voici cette paix, ce calme compromis, et avec quelle légèreté par son frère. Son travail de persuasion, si délicat auprès de lui, avait donc été vain aussi, son influence nulle. « J'ai sans doute été lâche, je ne l'ai pas assez grondé, » pensait-elle. C'est que père, quand il se fâche, dépasse toujours la mesure. Alors, pour la rétablir, je ne voudrais pas le rebuter, mon pauvre Jacques. Si on le décourage, je le connais, il ne luttera plus et se perdra tout à fait. Il est faible, étourdi, léger. Pourtant son cœur est droit et bon. Il est toujours si repentant. Je ne sais pas, moi, diriger un garçon de cet âge, un homme déjà. Tant de choses en lui m'échappent. Il n'a que 2 ans de moins que moi, après tout. Je ne suis pas sa mère, mais sa sœur, sa camarade. Je ne puis que l'aimer. Encore si Daniel m'aidait, lui, l'aîné, lui si intelligent, si fort. Mais il ne peut comprendre les faiblesses des autres. Il est trop sévère, aussi. Il a des mots cruels qui font d'inguérissables blessures. Et puis, je le sens, il m'en veut d'avoir refusé son ami. Il ne m'écrit pas, il fuit la maison. Il aime tant Georges. Il avait rêvé d'en faire son frère. La déception est grande, je le devine. Ah, comme je l'adore, pour cette admirable fidélité. Impossible pourtant de lui expliquer les choses. Il n'admettrait pas mes raisons. Je connais sa logique inflexible. Un père n'a pas le droit de sacrifier son enfant. Avant toute chose, une fille doit suivre la loi de la nature, qui est de se marier, de fonder à son tour une famille. Tout de suite, j'en suis sûr, il avertirait Georges, parlerait à papa, dévoilerait le cher, le douloureux secret, si difficilement gardé. À quoi cela servirait-il d'avoir tant combattu, tant souffert? Ai-je eu tort de refuser le bonheur? Pourquoi l'ai-je fait si brutalement? Ne pouvais-je laisser une porte ouverte à l'espérance? Mes pères, ce jour-là, étaient si malades, si mortellement inquiets. Je revois sa figure anxieuse, comme elle s'est subitement illuminée quand je lui ai répondu. À ce moment-là, le sacrifice a été facile, mais ce de beaucoup trop jeune qui l'a comblé de joie, qui lui semblait tout naturel, ne suis-je pas toujours une gamine à ses yeux, a dû paraître à Georges le plus grossier des prétextes. Ah, je suis habile à faire souffrir, moi, quand je m'en mêle. Ma main est sûre contre moi-même, il fallait. Mais que fallait-il? La jeune fille se leva et prit sur la cheminée une petite photographie jaunie, pâlie, presque effacée, dans un cadre de soie ancienne. Que fallait-il faire? Explique-le-moi, toi. Ne m'as-tu pas dit, en me les montrant tous, sois leur mère? J'ai promis. Une mère n'abandonne pas ses enfants. J'ai tenu ma promesse, mais maintenant je suis lâche, tu vois. Quand saurais-je à ton exemple renoncer absolument à moi-même? Mon Dieu, aide-moi, toi seul le peux. À ce moi qui revient sans cesse, qui veut être heureux à tout prix. Lasse de toujours donner, j'ai soif de recevoir à mon tour. J'ai tant besoin de conseils et d'appui. Je suis jeune, inexpérimenté. Et puis je voudrais vivre moi aussi, être heureuse. Mais c'est fini, pardonne-moi, maman. Va, je serai forte encore. Seulement, que faire en ce moment? Ne rien dire à père? Et ces 1000 francs, où les trouverai-je? Ah, la brave enfant posa vivement le cadre sur la cheminée, courut à son secrétaire, l'ouvrit, y prit une enveloppe sur laquelle il y avait écrit « Pour le portrait de maman ». Depuis la mort de sa mère, 4 ans bientôt, elle ajoutait à ses petites économies de maîtresse de maison tout l'argent que son père lui donnait pour ses menus plaisirs. Elle compta les 10 billets de 100 francs. Ils y étaient de la veille. C'est ce que demandait le peintre en renom, Bordanino, pour le pastel de Madame Médan. Il avait fait la connaissance de la mère et de la fille abbé, dans les montagnes où la pauvre femme prenait les eaux avant sa mort. Il demeurait dans le même hôtel. Le peintre se montrait plein d'attention pour la malade. Nadine lui avait écrit et venait de recevoir la réponse. Oui, il se souvenait fort bien de la gracieuse femme aux grands yeux bleus si tristes, qu'il avait tant admirée, dont il avait pris, sans qu'elle s'en aperçût, main croquis, dont il revoyait encore la fine carnation blanche, les lourds cheveux sombres, l'expression de lassitude et d'exquise douceur. Aidé de tous ses souvenirs et de la photographie passée, il essaiera de faire revivre les traits aimés. La jeune fille voyait déjà le médaillon dans le boudoir que sa mère affectionnait, au-dessus du vieux secrétaire orné de cuivre où elle écrivait jadis. Le tendre regard la suivait, l'encourageait. Que son père serait ému et doucement joyeux en l'apercevant. Ne déplorait-il pas sans cesse de n'avoir pas un bon portrait de la chère morte? La grande ferma l'enveloppe, et jetant un dernier coup d'œil sur l'image pâlie, où les yeux devenus blancs avaient perdu toute expression. « Tu m'approuves, je le sais, » dit-elle à haute voix, « ton souvenir est en moi, et là, il ne s'altérerait jamais. » Rapidement, elle descendit l'escalier, mit l'enveloppe dans la poche extérieure du pardessus de son frère, bien à portée de sa main, sous ses gants. Puis calme, entra dans l'office où les petites sœurs, impatientes, un grand tablier de cuisine noué autour de la taille, la bavette piquée au corsage, les manches relevées, les cheveux attachés en chignon, l'attendaient pour faire le pudding.